salut, bonjour tout le monde. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir comme ça. Mais oui, à chaque semaine, être là, présent avec vous et vous partager la richesse de la musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai de l'excellente musique, entre autres, du Caroline Savoie, Jacques Surette. J'ai aussi Simon Daniel. L'album de la semaine, on est rendu là, c'est presque Noël. Bientôt, ce sera Noël de Damien Robitaille. On va entendre aussi du Christine Saint-Pierre, Geneviève et Alain, les Soliloques. On va entendre en instrumental les Païens ainsi que Pajot. Et quoi d'autre? JF Roy, c'est une nouveauté de l'Ouest que j'ai découvert. Vraiment intéressant. On va entendre du Paul Cournoyer et aussi Beau Séjour. Restez là, je vous reviens bien sûr avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bien bonjour tout le monde et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Très content d'être avec vous, content d'avoir ce nouveau thème-là que vous venez d'entendre. C'est une composition et réalisation de Louis Lefebvre, un musicien de la région de Penetanguishene. Merci bien Louis pour cette pièce bien marquée. Je tiens aussi à remercier des gens très très spéciaux qui m'aident comme ça à rentrer chez vous, à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chitika, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, il y a CLS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. On va y aller, si vous voulez bien, avec une chanson souvenir, comme à l'habitude, pour débuter notre bloc des Maritimes. Ça, et je commence avec la plus belle voix de l'Acadie, selon moi, Mme Sandra Lecouteur, qui a un spectacle Nuit de Noël avec plusieurs artistes le 7 décembre prochain à la ville de Lamec. Ça risque d'être fort intéressant. Moi, j'ai connu Sandra Lecouteur avec une reprise de Beau Dommage, Quand Rose va chez son fils, et vous allez voir, c'est de toute beauté. Par la suite, on va entendre aussi Caroline Savoie. J'ai quelques nouvelles à vous donner à son sujet. Mais pour l'instant, Madame Sandra Lecouteur. Quand Rose va chez son fils et la porte avec elle un bouquet de lilas, une branche de muguet, et la porte de l'encens pour parfumer le vent. Quand Rose va chez son fils Jean, quand Rose va chez son fils et lui parle de son pays, elle entend les soldats piétiner son jardin. Il pleure de son chien demeuré attaché devant la maison désertée. Vive femme d'immigrant, viseur en viseur, Rose va. Elle s'affaire à la vie. Je l'atteins, je lui ouvre les bras parlerai d'un bonheur qui tient la route quand ma tête ne sera plus un nuage qui s'évade. Je cracherai sur la noirceur en pleine face, car je sais que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre. Caroline Savoie et l'extrait, le premier extrait de son album Pour chasser l'aube, c'était tout simplement Mille et un, très bonne pièce. Caroline Savoie, très bonne musicienne, auteur, compositrice, interprète, femme assez sympathique, très vraie, très intègre, mais très, très, très sympathique. J'adore Caroline Savoie, je suis un fan. Et je l'ai croisée à quelques reprises et vraiment plaisir de jaser avec elle. C'est vraiment merveilleux et ça va bien pour elle, donc je suis bien content. Je pense qu'elle part en tournée aussi bien bientôt. Donc, on va la suivre, bien sûr. Elle est nommée au Folk Music Award pour l'enregistrement francophone. Cette Caroline Savoie-là, c'est vraiment très intéressant. Elle a de grosses pointures contre elle, bien sûr, pour auteur-compositeur francophone de l'année. Elle est dans cette catégorie-là, en compétition avec Safia Nolin, Jean Leloup, Jordan Labrie et Bernard Adamus. Donc, de grosses pointures, mais juste le fait d'être nommé, je pense que c'est merveilleux. Donc, bravo Caroline. Lors de ces Folk Music Award, eh bien, il y a aussi Jacques Surette, pardon, qui lui est là pour Jeune Artiste de l'année avec son album Marche, Marche, Marche. Et il y a aussi Vechtine qui sont là pour 3-4 fois pour l'album Horizon. Entre autres, ils sont là pour Innovation musicale Oliver Schwarer. C'est le prix comme tel. Donc, on va les entendre dans quelques instants avec tout simplement Fleurs du souvenir tiré justement de leur album Horizon. Donc, ça va très bien pour Vechtine. Je suis très content pour eux. Je pense qu'eux aussi sont en tournée peut-être aux États-Unis même. Donc, bien content que ça va bien leur affaire. Mais on va commencer avec Jacques Surette, tiré de son album Marche, Marche, Marche. Voici tout simplement la pièce L'Aventure, Jacques Surette. C'est temps de prendre une belle petite pause. Prends la peine de penser à d'autres choses. Je peux te conter l'histoire de mes origines. Me souviens de la fois à vos pissets dans la piscine. Oh, et tu aurais tes tickets, et tu aurais tes enfants. À ce tour, on est plus grand et puis on pousse avec le temps. Oh, ouais, c'est ça, ça s'en va. Maintenant on s'en va dans le monde. Je vois les belles étoiles et puis je compte les secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où est-ce que t'as le fuck comment je faillissais? Je suis pas trop sûr, mais c'est l'aventure. Je suis pas trop sûr, mais c'est l'aventure. J'ai gone back au dépanneur. J'peux sentir la gaz et j'peux sentir ma sueur. J'travaille jour en jour, nuit Quand j'arrive chez nous, je suis fier de voir mon lit. Oh ouais. Là, je crois que c'est temps de prendre un autre pause. Prends la peine de prendre une break, break à cause. Je suis pas trop sûr. C'est l'aventure. Je suis poitre sûr. Mais c'est l'aventure. Je suis poitre sûr. Mais c'est l'aventure. Je suis poitre sûr. Pour eux, que ça va bien leurs affaires. Je sais que cet été, ils ont pris une pause parce que Emmanuel Leblanc était, elle était directrice artistique pour le spectacle à l'île du Prince-Édouard pour le Congrès mondial acadien. Mais quand même, ils ont repris du bal. La semaine passée, je surveillais ça. Je pense qu'au mois de novembre, début décembre, ils sont du côté des États-Unis faire quelques spectacles. Donc, je suis bien content pour eux. Que ça fonctionne encore très bien, leurs affaires. Il y a Accro de la chanson. La demi-finale s'en vient très, très bientôt. Et puis, ce que j'aime de Accro de la chanson, c'est de voir que des participants de jadis viennent donner des formations aux jeunes qui sont là cette année. Donc, entre autres, Raphaël Buckler est là pour donner quelques formations. On va l'entendre avec Coin Caché. Mais juste avant, on va entendre une chanson de Simon Daniel qui, lui aussi, si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, vous allez voir un post que j'ai partagé où ce qui est justement en formation avec les jeunes et je trouve ça merveilleux. On va l'écouter avec Rue Jaune. Qui brasse, le plancher craque sous mes pieds, une tache de café dans le fond de ma tasse, la dernière trace que j'ai laissée, les murs ont vécu ma dissonance, les pièces sont saoulées, mes nuits. J'ai trouvé une résonance, puis j'ai fait du bruit. On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé.